Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Tout est là, enfin presque. Deux, c'est une exposition à voir jusqu'au 30 août à l'hôtel du département, 48 Esplanade Jacques Baudou à Nancy, avec au programme 7 artistes et un collectif meurthe-et-mosellan. Et pour présenter cette seconde partie, nous accueillons en studio Laglo, bonjour. Bonjour Yves, comment vas-tu? Très bien, merci. Et Sophie B, ou Sof B? Sophie, c'est bien. Sophie, bonjour. Qu'on avait déjà eu l'occasion d'accueillir pour leur exposition respective. Et en studio, on a aussi Loris. Bonjour Loris, qui participe aussi et qui aura peut-être une question pour nos deux artistes qui viennent donc représenter tout ce beau petit monde qui va exposer jusqu'au 30 août. On vous a déjà accueillis en studio tous les deux pour parler de vos expositions respectives. Et là, vous allez représenter à nouveau quelques œuvres, c'est ça? Tout à fait. J'expose en tant que Laglo, ma collègue qui est ici présente, Sophie Bonnet. Et on a aussi affaire à Sophie Chazal, Virgile Debar, Roland Germain, Aretha Neri, Aline Roussel et un collectif d'artistes qui s'appelle l'Atelier Non Commun, qui expose avec nous. Qu'est-ce que ça représente pour vous de repartager vos œuvres au public dans une deuxième édition, une deuxième partie? Vous allez présenter d'autres œuvres? Alors moi, je propose des œuvres différentes de l'édition de l'année dernière, mais que j'ai présentées par contre à l'exposition à la Maison du Département, donc en début d'année. Alors pour repréciser, peut-être pour les auditeurs, imaginez un peu bien sûr le travail de chacun, plus du dessin, du graphisme? Du dessin, et donc du coup, c'est la série qui est inspirée par des références fabriquées par des intelligences artificielles, des applications de graphisme d'intelligence artificielle, donc je suis toujours là-dessus. L'année dernière, on savait que c'était une expo collective, moi je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de monde, pas trop d'espace, donc j'avais proposé une toute petite expo, et donc du coup là je suis venue avec des 40 par 50. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Ouais. Donc il y aura des œuvres avec une inspiration d'IA, c'est ça? Ouais. Que vous nous expliquiez dans une précédente interview, que vous retravaillez derrière, évidemment. Et pour l'Aglo alors, ce sera quel type d'œuvre? Moi j'ai choisi de partir sur une rétrospective de tout ce que j'ai fait depuis quelques années. Donc en gros, pour faire simple, il y a deux séries, une série d'encre sur papier, que du noir et blanc avec très très peu de couleurs, et une série de tableaux qui est vraiment technique mixte, sur support en bois en fait, où il y a différents styles de peinture, peinture aérosol, peinture acrylique, du dreamping, des trucs très carrés, également des collages, enfin voilà, quelque chose de très mixte. Pour vraiment donner une sensation de tout ce que j'ai voulu faire passer depuis les dernières années. Voilà, l'exposition elle est visible depuis fin juin à l'hôtel du département. Donc là on a deux artistes en studio, et pour présenter un peu en quelques mots les autres techniques qui sont représentées par les autres artistes, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors donc pour l'atelier non commun, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un collectif, et là il est représenté par deux personnes, donc Maya Cuna et Quentin Gaudry. Ils travaillent autour de la fabrication de la forme, à la fois du point de vue de design éditorial et graphique. Ils proposent un échantillon d'une série qui s'appelle Please Wait, et qui est une réflexion sur le temps de latence dans le cadre de la fluidité, en fait. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on consomme de l'image très fluide. Oui. Et donc, du coup, eux proposent de s'arrêter vraiment sur un instantané. La technique, c'est une impression digitale sur plexiglas. On est vraiment sur une impression. C'est-à-dire, on s'arrête à un moment donné et on regarde une image abstraite, du coup, puisqu'elle n'est pas finie, mais elle va se finir. Elle est le résultat de la précédente image et elle précède la prochaine image, en fait. Voilà, donc là, c'est le travail de ce collectif, deux artistes, l'atelier non commun, effectivement. On a aussi Sophie Chazal. C'est du dessin, en l'occurrence. Elle va travailler sur la thématique de l'intériorité, l'introspection, le doute et de la profondeur de l'être humain. C'est un regard différent, une sensation sur le monde qu'elle veut donner, en fait, à travers ses œuvres qu'elle expose. Au sujet de Sophie, je voulais aussi souligner la technique. Alors, elle appelle ça crayonné systématique, donc ce qu'on appellerait communément le gribouillage. En fait, elle va répéter la forme jusqu'à aller, enfin, la ligne, jusqu'à avoir, en fait, une forme qui donne un côté très topographique, en fait. Donc, du coup, on a une sensation de topographie de l'âme humaine, quoi. On continue cette présentation, peut-être, avec Virgile Debar, qu'on a déjà eu accueilli en studio. C'est un personnage, quelqu'un de très, très intéressant. Donc c'est un artiste contemporain qui expose en France et en Europe. Il utilise aussi des techniques mixtes. En l'occurrence, ses œuvres actuelles, c'est du dessin, de la peinture ou de la sérigraphie. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est très très influencé par l'art urbain, la bande dessinée, la board culture et le punk rock. Des tableaux soit très colorés avec des expressions très chimériques, des assemblages d'humains, d'animaux, avec des fonds presque oniriques, des nuages, tout ça. Ou alors les mêmes représentations en noir et blanc où il joue vraiment sur le contraste, en fait. Voilà. Quelque chose de très très intéressant, très dense, très visuel. C'est très, très dans la culture, du graphe, tout ça, voilà, très actuel, très contemporain. Voilà, beaucoup de descriptions de leur travail qui attisent la curiosité, mais c'est pas fini. On peut continuer peut-être avec le travail de Roland Germain. Roland, il était venu proposer l'année dernière, donc pour la première édition, une série qui s'intitulait Géométrie variable, où il travaillait du coup la forme la plus simple, qui est la forme géométrique, de façon complexe certes, mais voilà, dans l'efficacité de la forme. Et là, il revient donc avec cette expérience-là, retravailler sur une ancienne série de 2016 qui s'appelle Persona, donc qui explore le portrait, et donc à travers laquelle il va explorer à la fois le contraste lumineux, la stylisation du volume, l'épuration de la forme, et la vibration des couleurs évidemment, puisque le travail de Roland, c'est beaucoup la couleur, il a une capacité à appréhender et à mettre en résonance les couleurs en fait, qui sont assez impressionnantes. Faudra pas hésiter à découvrir aussi le travail de Roland Germain. Un mot sur Aretha Neri peut-être. Artiste aussi très contemporain qui mélange des visuels assez ronds, géométriques j'ai envie de dire, à des fonds assez colorés et assez profonds en fait. On peut se laisser facilement perdre dans le visuel d'inspiration celtique. C'est effectivement le cas en fait. Elle travaille vraiment sur l'inspiration nordique et celtique. Je pense que ça peut être très intéressant de discuter avec elle parce qu'elle a des connaissances historiques et culturelles sur ce domaine-là, à la fois à l'époque effectivement celtique mais aussi des époques plus récentes. Et puis bah, du coup elle a aussi toute cette exploration effectivement graphique d'entre là, etc., qui est une délicatesse assez, assez impressionnante. Voilà pour Aretha Neri. Aline Roussel, qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir aussi en studio, je crois que c'est plus de la photographie qu'elle propose, elle. Hein. Exactement, c'est un travail assez particulier parce qu'en fait, elle travaille la photo sans appareil photo. Oui. Donc c'est une technique d'argentique, en fait, elle utilise uniquement la chimie pour imprimer le sujet, la plante ou quoi qu'elle veut mettre en lumière. Elle fonctionne un peu comme à l'époque de De Vinci ou autre, sur une espèce de caméra obscura en fait. Elle a réalisé là pour le coup une série de 10 tirages qui traitent de l'altération de la nature par l'homme. Quelque chose de très très intéressant, d'un visuel très prenant, à la fois sombre et clair, quelque chose de brumeux, d'intense, et c'est très très intéressant à regarder. Là, sur cette série-là, pour le coup, elle est sur une pellicule qu'elle a trouvée en fait en forêt qui était altérée par les intempéries. Qu'elle D'accord. a développé et qu'elle a altéré à nouveau avec des produits chimiques. Donc du coup, on est vraiment sur l'aléatoire. Et c'est le début d'une série qui s'appelle Altération à venir. Donc on voit toute cette diversité qui est visible jusqu'au 30 août à l'hôtel du département avec bien sûr les œuvres que vous proposez, Sophie Bonnet et Laglo. Loris, est-ce que toi, tu as une remarque, peut-être une question à poser à nos invités? Déjà, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de techniques qui ont l'air vraiment intéressantes à voir. Hein. La dernière personne à qui vous parliez de la photo, ça a l'air intéressant. Mais est-ce que vous, il y aurait une technique que vous voudriez vraiment mettre en avant justement durant ces quelques jours encore. Une ouais. technique que les artistes ont utilisée ou, ouais. Ou même une autre technique Une technique que vous découvrez peut-être ouais. parmi les artistes qui sont là et qui vous intéresserait peut-être de développer à l'avenir. Laglo ? Ouais, c'est une question très très intéressante. Moi j'aime beaucoup toucher à tout. Donc très clairement, j'aime bien de façon amateur pratiquer un peu la photo et je trouve ça très très intéressant. Par exemple, la technique photographique, de voir comment on peut, avec des produits chimiques, bah, altérer. Par exemple, pourquoi pas faire un tableau ou un dessin sur un support et l'altérer avec ces produits argentiques et de voir le rendu comme, par exemple, on faisait à une époque d'altérer les vêtements avec l'eau de Javel. Voilà, pourquoi pas. Cette exposition, elle est proposée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle pour tous ces artistes. Vous avez l'occasion, pour le coup, de rencontrer d'autres artistes comme vous et de travailler ensemble éventuellement ou d'échanger par rapport à vos techniques, par rapport à ce que vous vivez. Bah, échanger, oui. Clairement, à la fois effectivement de façon dont on peut vivre la production artistique. Et après, on parlait d'inspiration. Moi, je sais que du coup, le travail de Laglo m'a vraiment tapé dans l'œil et m'inspire énormément par rapport à tout le travail autour de la géométrie et de la mise en scène aussi de l'œuvre, que j'ai pas forcément. Mais oui, de toute façon, c'est toujours enrichissant à la fois sur le plan humain et sur le plan technique. De toute façon, l'artiste se nourrit d'art, enfin, pas que, mais on se nourrit aussi énormément d'art. C'est ce qui va ouvrir des portes et débloquer des choses, quoi. Effectivement, je rebondis, moi, de la même façon chez Sophie Bonnet qui est avec nous. Je m'inspire également de ce qu'elle fait. Je trouve sa démarche sur l'intelligence artificielle très intéressante, de laisser l'intelligence artificielle, entre guillemets, faire une partie qu'elle fait avec son programme informatique et de s'en inspirer pour recréer quelque chose par derrière. C'est très contemporain pour le coup, c'est très très d'actualité, très intéressant. Le plus simple, c'est vraiment de se rendre à l'hôtel du département, c'est visible jusqu'au 30 août, en plus l'entrée est gratuite, donc franchement il n'y a pas à hésiter, c'est au 48 Esplanade Jacques Baudou à Nancy, et il y a une opportunité aussi de venir rencontrer les artistes à l'occasion d'un dévernissage qui va se dérouler le dernier jour, n'est-ce pas Laglo ? Exactement, donc ça se passera le 30 août, mercredi 30 août à 18h. 18h. Donc le public est le bienvenu, ça sera en présence des artistes, et donc vous pourrez admirer les œuvres et nous poser toutes les questions que vous voulez. On est là pour y répondre. Et pour projeter encore au-delà de cette exposition, vous avez déjà des projets, d'autres expositions, une actualité pour la rentrée déjà, Sophie ? Alors, je serai en exposition au Bouclard, donc dans la continuité de cette série-là, mais je vais peut-être proposer, je me suis remise à la peinture, là, donc du coup, j'ai peut-être proposé de la peinture aussi, mais je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Et par contre, je sais plus, c'est fin octobre, je crois. Fin octobre au Bouclard. Mais on vous suivra sur les réseaux sociaux. Voilà. On mettra les liens, bien sûr, sur le site de la radio, fadjet.net, avec le podcast. Et pour l'aglo, alors, la rentrée, l'actualité ? L'actualité, c'est au mois d'octobre et novembre, j'expose à la MJC Jean Savine, donc de Villers-les-Nancy. Et début 2024, je ne suis pas encore sûr du mois, je vais exposer dans une microbrasserie qui s'appelle la microbrasserie Grenaille à Rosiers-Rosalines. Voilà. Merci Laglo, merci Sophie. Sophie, un dernier mot peut-être. Est-ce que oui, on peut juste rajouter un petit remerciement pour Arnaud Martin, donc, qui travaille pour le département et qui nous a permis d'organiser, de nous a accueillis, nous a sélectionnés aussi et nous a accompagnés pour cette expo-là comme l'année dernière, et sa stagiaire, donc Manon Milonnet, ainsi que pour Xavier Caille qui fait un petit peu le lien par rapport à tout ça. Voilà. Merci à Sophie Bonnet et Laglo. Notez bien que l'exposition Tout est là, enfin presque 2, est visible jusqu'au 30 août à l'hôtel du département 48 Esplanade de Jacques Baudot à Nancy, avec donc au programme 7 artistes et un collectif meurthe-et-mosellan. Notez également que l'entrée est libre pour cette exposition et elle est visible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.